parler d'un temps a priori reculé où dans une carrière scientifique, il fallait en passer obligatoirement, nécessairement par la publication de ses travaux dans une revue payante à comité de lecture, Nature, Science ou The Lancet, pour ne citer que les trois plus célèbres. Mais ça, c'était un temps reculé, c'était avant une offensive concertée qui a commencé au début des années 2000 et qui s'est renforcée très récemment avec le plan S, un plan des principales agences de recherche européennes qui oblige les chercheurs qui ont obtenu des crédits publics à publier leurs résultats dans des revues dites « open access », c'est-à-dire des revues accessibles gratuitement par tous et pour tous. La science serait ainsi en train de faire sa révolution de papier. Fin des revues, la révolution de papier, c'est donc le problème que nous allons tenter de démêler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ce complexe problème de l'open access et du changement de modèle des revues à comité de lecture, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Claire Remercier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche en histoire au CNRS et actuel membre du conseil scientifique du CNRS. Et Marin Dacoz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur et fondateur d'Open Edition, on en parlera tout à l'heure, conseiller également pour la science ouverte au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous pouvez, comme chaque jour, nous écouter en direct, en différé ou en podcast sur le site de franceculture.fr, sur votre appli de podcast préféré ou tout simplement sur les ondes. Et en parallèle, comme toujours, via notre fil Twitter, en vous abonnant au compte La méthode FC. Alors, comme chaque jour, pour commencer, eh bien, on va aller puiser dans notre boîte à archives. En l'occurrence, on remonte en 1969, il y a 50 ans. La France commence à découvrir un concept importé des États-Unis et un rapport des chercheurs aux revues dites à comité de lecture, le fameux Publish or Perish, publier ou mourir. Écoutez cette archive de Science en Marche sur France Culture. C'est le vice-président de l'Association des journalistes scientifiques, Nicolas Vichenet, qui s'exprime. Aux États-Unis, la situation est assez particulière, que l'homme de science a un impératif qui est celui de publier. Souvent, on entend dans les laboratoires américains une expression très traditionnelle, « to publish or to perish ». Il faut publier ou il faut périr. Il vaut mieux naturellement publier que périr. D'où peut-être aux États-Unis une certaine exagération. Et très facilement, un homme de science se transforme en public relation, de ses propres travaux, de ses propres laboratoires. Il y a là quelques exagérations qui peuvent très bien expliquer les réticences des hommes de science français à des contacts trop généreux à l'égard de la presse. Voilà, ça ne se passe qu'aux États-Unis encore en 1969, et c'est loin, il ne faut tout de même pas exagérer, mais c'est déjà le lien qu'on parle encore aujourd'hui, évidemment, de Publish or Perish, d'un lien du coup qui est un peu biaisé entre les chercheurs et ces revues dans lesquelles ils doivent à tout prix publier, Marin Dacoz. Bah, c'est un vieux système en fait, hein, puisque les recrutements se font sur des critères et ça fait assez longtemps que c'est les critères principaux, la production, le résultat qui est la publication qui est évalué. Après, est-ce qu'on doit faire du quantitatif ou du qualitatif, c'est toute la question. Claire Remercier. Oui, c'est une archive très utile parce que quand on se plaint des évolutions de la science aujourd'hui, on a souvent tendance à penser que l'idée qu'il y a une concurrence exacerbée entre scientifiques ou un business de la science ou des problèmes de financement, ce serait quelque chose de nouveau, de lié au néolibéralisme ou à l'arrivée de la concurrence des Chinois ou je ne sais quoi. Mais en fait, si vous regardez l'histoire des sciences, même très connue, quelqu'un comme Pasteur, pour financer ses expériences et ses travaux, il passait son temps à essayer de faire connaître ses inventions, à obtenir de l'argent du privé, à promettre des applications et ainsi de suite. Donc il n'y a jamais eu d'âge d'or où la science était exemple de concurrence ou exemple de rapport avec le privé. Mais il y a des modalités de difficultés de concurrence ou de rapport avec le business qui ont pu bien sûr évoluer. La question qui se pose surtout, c'est la question de la publication à tout prix et de la publication dans un certain type de revue dont on va parler. Est-ce que d'une certaine manière, en imposant ce modèle que l'on va décrire dans quelques instants des revues payantes à comité de lecture, ces revues se sont liées, ont passé une sorte de pacte faustien avec les scientifiques ou avec les chercheurs, Marin Dacoz? Je suis pas sûr qu'on puisse parler de pacte faustien. Là, vous m'embarquez dans un... En fait, par exemple, quand vous parlez d'évaluation par les pairs, personne ne conteste le fait que c'est intéressant de soumettre à des collègues, des pairs, la production de ces travaux. Donc, en fait, il n'y a pas de problème avec le principe de l'évaluation par les pairs, par exemple. Donc, ça, c'est pas faustien. En revanche, il n'est pas faustien non plus d'imaginer que l'édition coûte de l'argent. Ça nécessite un certain nombre d'organisations, de travaux, de professionnels de l'édition. Donc c'est logique que quelqu'un le paye. Donc ça, c'est pas non plus faustien. En fait, c'est juste l'emballement d'un système qui est en question. C'est pas les fondamentaux qui sont. Il faut un modèle économique pour l'édition et il faut une évaluation par les pairs. Claire, merci. J'ajouterais qu'il y a peut-être deux types de grandes revues dans lesquelles il est obligatoire de publier, qu'il est bon de distinguer. Donc, de façon très simplificatrice, Nature et Science, c'est vrai, ont un poids complètement disproportionné, notamment dans les disciplines biomédicales. Il y a elle et puis il y a tout le reste. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'à la base, c'est des revues, je dirais pas de vulgarisation, mais presque, qui se veulent extrêmement généralistes, avec des articles très courts, très bien illustrés, etc. D'où cet aspect public relations, dont le collègue déjà en 1969 se plaignait, et qui peut entraîner des dérives, en fait, hein, des incitations à monter la sensationnalité, le caractère sensationnel des résultats, au-delà de toute chose. Donc ça, c'est indépendant des questions de prix, mais c'est un vrai problème. Après, les autres grandes revues, je dirais, celles où il est bon de publier, quelles que soient les disciplines, il y en a. Effectivement, le fait qu'il y ait de plus grandes revues que d'autres qui sont distinguées par le travail de sélection des pairs, etc., c'est pas en soi un souci. Ces revues, pendant longtemps, elles étaient faites par les sociétés savantes et elles étaient payantes un petit peu pour pouvoir se financer. Là, en revanche, ce qui a changé ces dernières décennies, c'est que c'est devenu un business avec des marges énormes, que les revues de sociétés savantes ont été rachetées par des grands groupes, et que la conséquence, c'est que si moi je publie dans certaines de ces revues, je ne peux pas avoir accès à mes propres articles légalement. Et là, il y a effectivement un souci. Voilà, c'est donc la dérive du système, plutôt que le système lui-même qui est en cause. Justement, alors ce système, à quand il remonte, ces revues que vous évoquez, Nature Science ou The Lancet, puisque ce sont les trois revues principales qui vont être évoquées, mais on en parlera évidemment d'autres au cours de cette heure, elles ont toutes été fondées au 19e siècle, à l'origine effectivement par des sociétés scientifiques. Aujourd'hui, elles appartiennent à des grands groupes d'édition. À partir de quand les scientifiques ont besoin de publier leurs résultats tout en se faisant justement examiner, réviser par des pairs, et à partir de quel moment ce système payant que vous allez nous décrire a été mis en place, Marina Kos? Les revues, à l'origine, les revues ont été créées au XVIIe siècle. C'est de la correspondance entre chercheurs. Hein, les chercheurs s'envoient par la poste des lettres qui deviennent des articles qu'on regroupe et qu'on agrafe, en gros, et qui deviennent des revues. Donc, on structure quelque chose qu'on peut, du coup, reproduire et échanger entre pairs. Et donc, ça, assez rapidement, il faut le payer pour payer les frais de fabrication, de transport, etc. Donc, ça, c'est assez consubstantiel au principe même d'avoir une revue. C'est-à-dire qu'on finance les frais. Encore une fois, c'est quand même un changement d'échelle, et je suis pas historien des sciences, je suis pas en capacité de répondre précisément à votre question, en fait, sur les dates d'emballement, etc. Mais je pense que, en revanche, il s'est bien passé une mondialisation de la recherche et un changement de nature démographique au cours du XXe siècle. Et du coup, effectivement, il y a la dimension que je pourrais qualifier de familiale ou d'artisanale, c'est beaucoup éloigné. Claire, merci. En fait, c'est une histoire qui n'est pas encore hyper bien connue dans l'histoire des sciences, mais il commence à y avoir des travaux qu'on peut trouver en ligne de gens comme Valérie Ténière, Marianne Noël pour la chimie, Roberto Lally pour la physique, qui sont plongés vraiment dans les archives des sociétés savantes pour essayer de comprendre comment ça a marché, cette évaluation par les pairs, dont les modalités concrètes ont étonnamment changé par rapport aux années 50 jusqu'à aujourd'hui, et comment ça marchait le financement. Et par exemple, Marianne Noël montre que la plus grande société américaine de chimie, elle a toujours eu plus grand mal à financer ses publications et qu'elle faisait payer les auteurs à la page dès, je ne sais plus, les années 50 ou 60 en fait. Donc cette difficulté de financement, elle est ancienne, mais le fait qu'on atteigne des coûts qui sont insoutenables pour les bibliothèques universitaires de la plupart des pays, ça, il me semble que c'est très récent, que c'est lié d'une façon bizarre et absolument pas nécessaire à la numérisation, mais qu'à l'occasion de la mise en place d'abonnements électroniques à la place ou en plus, en fait, des abonnements papier, puis de paiements à l'auteur, les multinationales de l'édition qui avaient racheté les revues de sociétés savantes ont vraiment mis en place une augmentation des coûts quasi exponentielle. Donc je daterai ça plus ou moins du moment où la communication scientifique sur le web s'est répandue, mais j'insiste que le web n'est pas la cause, mais l'occasion de ce business. Oui, principalement, ce qui s'est passé du coup, c'est qu'on pouvait faire des paquets. Évidemment, dans l'édition papier, disons, en gros, jusqu'aux années 80, hein, puisqu'en fait, c'est avant le web, à mon avis, qu'on a commencé à avoir des accès numériques, mais dans une édition papier, c'est Elsevier possède 3000 revues. Elsevier qui est le numéro un mondial de l'édition scientifique, qui est un grand groupe qui est plus gros qu'Hachette et qui a des bénéfices supérieurs en pourcentage à ceux de Total, pour donner un ordre de grandeur. Et de l'industrie du luxe aussi. Donc, Et qui a des titres comme un peu tout en fait. Oui, un peu tout. D'un coup, j'ai un trou. On va vous retrouver ça, on va vous mettre ça sur le fil Twitter. Donc, évidemment, vous avez la bibliothèque de mathématiques de Marseille, par exemple. Évidemment, ils vont pas acheter les 3000 revues, parce qu'il faut leur acheminer les 3000 revues. Mais en revanche, vous arrivez dans le numérique où finalement, en fait, le transport, enfin, ça, c'est dématérialisé. Et du coup, l'éditeur voit une simplification de son modèle économique en disant, ah, bah, tiens, c'est pratique, je vais, pour le même prix que votre chiffre d'affaires historique, c'est la notion de chiffre d'affaires historique qui a été introduite, je vous fourgue toutes les autres revues. Puis après, vous êtes entré dans un pacte faustien, là, à ce moment-là. L'inflation est très facile. Peut-être qu'il est important de rappeler aujourd'hui comment ça marche. C'est-à-dire, c'est quoi ce système, Claire Lemercier, des revues payantes à comité de lecture, c'est-à-dire qui paye, qui est payé, qui ne l'est pas. Comment ça marche? Oui, je pense que c'est extrêmement important de le rappeler parce que quand on pense à des éditeurs, je pense qu'on pense souvent à des romans, par exemple, et où l'éditeur, le personnel d'éditeur, qui est souvent en petit nombre, ou des personnes freelance payées par l'éditeur, font du travail de lecture, de sélection des manuscrits, de mise en page, etc. Et la spécificité redoutable des revues scientifiques, c'est qu'en fait, le grand groupe d'édition comme Elsevier ou Hayley Springer qu'on évoquait font très peu du travail pour lequel ils récupèrent absolument tous les bénéfices, et d'où les marges énormes qu'évoquait Marin. Parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, les chercheurs, chercheuses sont payés par d'autres institutions. Donc en France, beaucoup sont fonctionnaires, dans d'autres pays, c'est d'autres statuts. De plus en plus, en fait, la majorité de la science est faite par des gens qui ne sont pas des titulaires de leur poste. Mais en tout cas, c'est des gens qui sont payés par ailleurs pour faire de la recherche, et qui écrivent des articles, qui relisent les articles des autres, qui donnent leur avis sur ces articles, ça prend beaucoup de temps, qui décident qu'est-ce qu'on va publier, qui font une relecture de forme, de style, de contenu, de dire à l'auteur ça, ce serait bien de le changer, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des chercheurs, chercheuses qui ne sont pas payés spécifiquement pour ça. C'est-à-dire que quand on est pair aujourd'hui, quand on est relecteur, on n'est pas payé par ces revues. Ça dépend, mais c'est extrêmement rare qu'on soit payé pour le temps qu'on y passe. Et ensuite, ce qui est moins connu, une grosse partie du travail qui rend l'article beau et clair à lire est également faite dans les laboratoires de recherche, par des chercheurs, chercheuses ou par des personnels de recherche avec d'autres statuts. Et je prendrai un exemple, ces magnifiques illustrations dans Nature ou Science, qui ont besoin d'être magnifiques pour que votre article soit accepté, elles sont entièrement faites du côté des chercheurs, chercheuses. Donc soit par eux ou elles-mêmes, soit des personnels dans leur labo qui ont un talent de graphiste, etc. C'est pas des employés de Nature ou Science ou de leur éditeur qui font ça. Donc finalement, la seule chose qui est faite, c'est de couler tout ça dans la mise en forme propre à la revue et d'en assurer la diffusion électronique. Et on peut dire, il me semble, sous ton contrôle, Marin, que la valeur ajoutée de Elsevier, Wiley et compagnie, aujourd'hui, c'est de fournir des plateformes extrêmement visibles où un grand nombre de revues sont regroupées. Mais c'est pratiquement la seule chose qu'ils fournissent en échange de l'argent qu'ils récupèrent. Et le modèle économique, ce qu'il faut comprendre, que en fait tout ça a l'air bizarre, parce que ça ressemble à du bénévolat. En fait, c'est pas du tout du bénévolat, puisqu'en fait c'est la condition d'être pour un recrutement futur ou pour une promotion future pour le chercheur. Donc en fait, c'est sur ça qu'est indexé son futur salaire ou son futur recrutement. Et on sait que c'est difficile d'être recruté. Et donc il faut qu'il fasse ce travail gratuit entre guillemets pendant un temps, ou toute sa vie, pour ensuite pouvoir s'inscrire dans une carrière. Donc en fait, lui, son modèle économique, on le connaît, mais ce n'est pas l'éditeur qui le fournit. Voilà. Cela dit d'ailleurs, on ne sait pas si on voudrait tout à fait que les auteurs soient payés. Enfin, ce n'est pas tout à fait ce qu'on revendique. Il y a un cas que je connais bien, qui est le droit, où les auteurs sont rémunérés pour leurs articles, parce qu'il y a un gros marché, qui est le marché professionnel, et donc là, on touche des revues qui sont à la frontière entre la recherche fondamentale et les praticiens. Et là, il y a un modèle économique beaucoup plus stable, mais en revanche, dans les autres domaines, la plupart des autres domaines, les auteurs et les évaluateurs ne sont pas payés. Manifestement, dans le domaine scientifique, il y a aussi un gros marché, puisque vous mentionniez les chiffres d'affaires et les bénéfices nets, dont on peut dire qu'effectivement, par exemple, juste pour en prendre un, chez Elsevier, ont été multipliés par 4 en à peine 20 ans, ce qui n'existe ce sont des marges qui n'existent pas dans l'économie réelle, entre guillemets. Peut-être un mot tout de même, qui paye aujourd'hui ces revues? Cet argent-là, il vient d'où? C'est important de noter. Oui, c'est les établissements de recherche, les universités et les organismes de recherche, à travers le centre de documentation. Donc en France, on paye 100 millions d'euros d'acquisition de ressources électroniques. Et papier? Enfin, c'est mineur. C'est là, mineur. C'est devenu malade. Il y a quelques disciplines qui, pour des raisons légitimes, demandent à avoir une copie papier pour des raisons pratiques. Mais globalement, le papier est en train de disparaître. Et donc, c'est principalement du numérique. Claire Lemercier, cet argent-là, si ce sont les établissements de recherche, les laboratoires, les bibliothèques, ça veut dire que finalement, ces revues, elles sont financées quasiment exclusivement avec de l'argent public. Tout à fait. Et non, deux fois, en fait, puisque ce que j'évoquais, les gens qui font le travail d'écriture, de reviewing, de mise en page, etc., sont assez souvent soit des fonctionnaires, soit des contractuels payés sur fonds publics. Donc on paye d'un côté comme ça, et après on paye à l'autre bout pour récupérer l'accès à ce qu'on a produit ou à ce qu'on produit des gens de statut similaire dans d'autres pays. Et c'est ce double paiement qui pose un peu problème, en fait, dans cette histoire. Et c'est relativement inefficace parce que, du coup, on se prive de beaucoup de lecteurs. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est produire de la science pour, et de la recherche pour le plus grand nombre possible de chercheurs et d'autres de non-chercheurs. Ce qu'il faut comprendre, parce que ça peut sembler tout à fait bizarre comme situation, ça a l'air ubuesque. Ça a l'air un peu ubuesque, en fait, il faut comprendre que chaque revue a un monopole. Elle a un monopole objectif. Et donc, si elle est dans une position de notoriété, de visibilité, d'ancienneté centrale, elle a l'éditeur a le monopole sur le titre et sur tous les articles qui sont... Et donc, on n'est pas dans une situation de concurrence du tout. Donc, si la revue ne compte pas aux yeux de la communauté, on peut s'en défaire éventuellement. Mais si elle est centrale, alors l'éditeur détient un monopole et il fixe son prix. Et l'année après, il dit « j'augmente de 10%, vous savez, la vie est dure, etc. » Et puis 10%, et puis 10%. Et c'est 0 ou 1. Vous pouvez vous désabonner ou vous abonner. Et donc, jusqu'à présent, on était dans une situation où on gardait des abonnements et on était des victimes non consentantes, mais face à une situation de monopole de fait. On parle même en fait d'oligopole complètement, en l'occurrence Claire Lemercier. On parle d'oligopole à l'échelle des éditeurs, mais voilà. Je pense qu'il est important ce que dit Marin, c'est que en fait chacun de ces éditeurs n'est pas substituable. C'est-à-dire si on arrête d'avoir toutes les revues Elsevier, en fait il y a un certain nombre de domaines précis de la science où on n'aura pas les 2-3 revues les plus importantes. Pareil si on arrête Springer, etc. On ne peut pas dire on va les mettre en concurrence et essayer qu'ils baissent leur prix. En fait, c'est encore pire si vous voulez que les oligopoles de la téléphonie mobile. Voilà, donc par exemple Le Monde et Le Figaro ont monopole sur leurs articles, mais en gros on peut savoir quel gouvernement a changé à quel moment en changeant de source d'information. Ce qui n'est pas le cas dans une revue scientifique où on est sur des domaines très, très pointus et le plagiat est interdit. Et si pour qu'on n'ait plus de monopole, il faudrait généraliser le plagiat. Bon. On voit qu'on est dans un système qui n'est peut-être pas tout à fait le système enviable. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Vous écoutez donc La méthode scientifique. À 16h20, nous parlons des revues. Alors, pour le moment, nous parlons beaucoup du système actuel des revues payantes à comité de lecture, dont on vient de décrire le fonctionnement. On va voir qu'il y a d'autres modèles qui sont en train d'émerger, qui tentent de se substituer à ce modèle dont on a compris qu'il était certainement un peu biaisé, pour utiliser une formule un peu euphémistique. Nous en parlons avec Claire Lemercier et Marin Dacos. À partir de quand, justement, commencent à émerger des propositions de systèmes alternatifs, puisqu'on voit bien que, comme tout est verrouillé dans le système que vous venez de décrire l'un et l'autre, il semble difficile de pouvoir faire émerger un système avec la reconnaissance, l'importance pour les carrières des chercheurs, la nécessité de progression de carrière scientifique que vous avez évoqué l'un et l'autre. En fait, c'est vieux, c'est 1991, c'est la naissance d'Archive qu'on écrit Arxiv. Et qu'on dit Archive parce que c'est les physiciens qui le prononcent comme ça. C'est comme pour les revues au XVIIe siècle, la naissance des revues, la naissance des archives, c'est simplement un besoin fonctionnel dont les chercheurs ont besoin. Donc le système éditorial est un peu lent. Donc, en quoi ça consiste Archive? Je vais expliquer dans une seconde. Excusez-moi. Le système éditorial existant en 91 est un peu lent. Les chercheurs, en particulier en physique, ont des traditions d'aller vite. Et donc, il faut attendre plusieurs mois pour que l'article soit évalué, validé, publié et qu'il reçoive sous forme papier à l'époque. Bon. Donc, ils se disent, on va s'envoyer des fichiers par email. Et c'est pas très pratique parce que c'est toujours de 1 à 1. Donc, si je l'envoie à deux personnes, je vais envoyer deux mails, etc. Et puis, personne ne sait que je l'ai envoyé, les autres ne savent pas. Donc, ils se disent, on va créer un serveur central, qu'on installe à Los Alamos aux États-Unis. Et, on va poser notre fichier, au lieu de l'envoyer individuellement, on va le poser individuellement et tout le monde y aura accès. Donc, ce qu'on appelle un préprint, c'est-à-dire, l'article au moment, celui qui est soumis à la revue, au moment où il est soumis à la revue, on n'attend pas pour le partager. On le partage tout de suite dans l'archive ouverte. Parce qu'en fait, le terme est vraiment canonique, c'est une archive archives ouvertes où les chercheurs déposent, non pas des archives au sens des historiens, mais où ils déposent la mémoire de leur production scientifique très en amont de l'évaluation scientifique. Et ensuite, la revue labellise, elle dit, oui, ce travail est de qualité. Mais entre chercheurs, ils considèrent qu'ils peuvent s'évaluer, y compris sur ce qu'on peut appeler un brouillon, c'est-à-dire une version soumise et pas évaluée. Ce sont donc des pré-publications et ça devient très vite international, c'est-à-dire que cette archive de publications de papier physique, elle se généralise au niveau de la recherche planétaire. Claire Mercier. Oui, c'est vite généralisé. Alors, en partant effectivement de certaines parties de la physique, donc dans d'autres parties de la physique, dans les maths, et c'était de toute façon déjà des communautés qui étaient très très internationalisées. Donc ça n'a pas posé de problème. Et c'est intéressant de voir qu'à l'époque, les éditeurs, à ma connaissance, n'ont pas essayé de tuer le truc, n'y ont pas vu du tout une concurrence. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, en fait, on n'a pas l'impression qu'ils essayent de concurrencer ça. Donc, ce qui est important de voir, c'est que une innovation comme Archive, ou celle dont on va parler après, Open Edition ou HAL pour la France, ça ne met pas en cause en fait le fait que les revues soient à comité de lecture. C'est un système à côté pour diffuser plus vite et mieux leurs résultats. Et ça ne remet pas en cause complètement le fait que les revues soient payantes. En fait, il faut voir qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là. Elles sont toujours payantes pour quelqu'un, en fait. Enfin, au sens où tout ça ne se fait pas gratuitement ou magiquement. Simplement, la différence, c'est qu'on ne va pas acheter l'article, en l'occurrence, puisqu'on va le trouver sur cette archive ouverte. Mais quelqu'un a bien payé à un moment. Alors en physique des hautes énergies, par exemple, pour que l'expérience se fasse, je peux vous assurer que beaucoup de gens ont payé très cher. Et puis, des gens ont payé pour que l'article soit écrit, mis en page, etc. Déposé sur un serveur. On n'est pas dans la gratuité. Voilà. Bien sûr. La partie serveur, c'est vraiment la plus petite dépense. Oui, par rapport au grand collisionneur de Hadron, on imagine que ça coûte moins cher. Mais une question, du coup, il y a aussi, sur cette archive de publication, il n'y a pas d'effort de mise en page, il faut aller chercher. C'est vraiment un fond brut de matériel scientifique. Il n'y a pas du tout, il y a un index, il y a évidemment un index, mais vous voyez ce que vous avez raison, c'est assez rudimentaire. Les chercheurs parlent aux chercheurs globalement, mais la grande vertu de l'instrument, c'est l'accessibilité. Vous avez accès, après effectivement, c'est brut de décoffrage. Voilà, et c'est très bien. Donc après, l'édition ajoute une couche d'ordre, de labellisation. Il y a eu toute l'intérêt des interactions avec les évaluateurs qui sont quand même, à un certain nombre d'occasions, des vertus. Parfois, ça dérive un petit peu, mais enfin, globalement, c'est quand même, ça améliore la qualité du papier. Et d'ailleurs, on peut revenir dans Archive en déposant la version finale, en recouvrant l'ancienne version sans la détruire, mais en la recouvrant en disant ça a progressé depuis grâce à l'évaluation par les pairs. Ça, c'est le début. On est en 1991. Par ailleurs, en 1991, on sait bien que le réseau n'est pas ce qu'il est aujourd'hui et que la transmission informatique est encore extrêmement rudimentaire. On arrive à casser cet effet boule de neige, ou en tout cas à voir des propositions émerger vraiment justement avec l'émergence d'un accès public au réseau qui s'est démocratisé, c'est-à-dire, en l'occurrence pour Open Edition, pour parler de quelque chose que vous connaissez bien, Marin Dacos, à la fin des années 90, en 99, pardon, qu'est-ce que c'est Open Edition ? Alors, avant de parler du projet que j'ai créé, qui m'apporte beaucoup, mais simplement vous dire qu'enfin, on est entre 98 et 2003, on est dans une période où il y a de grandes initiatives qui naissent d'édition. Archive, c'est pas une initiative d'édition, c'est une initiative de communication scientifique directe entre les chercheurs. Cielo au Brésil en 98, Erudit au Canada en 98, Open Edition sous le nom à l'époque de Revue.org en France en 99. Public Library of Science Plus en 2002, si ma mémoire est bonne, ou peut-être 2003, parce qu'il y a un écart entre le moment où ils ont déclaré qu'ils allaient le faire et le moment où ils l'ont fait. Tout ça, et il y en a eu d'autres, mais c'est un moment où le web est à peu près mûr, c'est le web, vraiment. En 91, c'est avant le web. Oui, bien sûr. Oui. Vous avez le web, donc vous avez une plateforme magnifique qui s'appelle le web, et elle est vide. Parce que tout le monde nous annonce qu'il y a une grande bibliothèque, en 94, 95, les médias nous disent, il y a un truc qui s'appelle le web et qui est une grande bibliothèque. En fait, cette grande bibliothèque est vide. Il faut qu'on la remplisse. Et donc, Open Edition est créé en France par moi en 99 en disant, mais en fait, nos revues, elles sont accessibles seulement à 300 abonnés en moyenne. Et pour l'essentiel, elles dorment dans des cartons, dans les couloirs des laboratoires et les lecteurs n'y ont pas accès. Et moi-même, en tant qu'étudiant, j'avais souffert du manque d'accès à la littérature scientifique dans un monde pré-numérique. Et donc, ça me semblait légitime, logique, évident qu'il fallait les mettre en ligne. À l'époque, on n'avait même pas inventé le mot accès ouvert, ou open access en anglais. Il a été forgé au début des années 2000. Mais ça semblait une solution technique évidente, réglant des problèmes d'accès basiques, non politiques, hein, comme Archive, en disant, ben, nous, on a un problème, on n'arrive pas à échanger correctement nos données, nos publications. En l'occurrence, on a du coup créé sur revue.org des sites de revues qui ont eu de plus en plus de texte intégral jusqu'à ce que la plupart d'entre elles aient tous leurs articles en texte intégral en libre accès pour tous. Voilà. Et aujourd'hui, Open Edition, c'est aussi une plateforme de livres, c'est aussi une plateforme d'événements scientifiques et surtout, ce qui me tient le plus à cœur, hypothèse, qui est la plateforme de blogging académique, de carnet de recherche. Donc un dispositif complet en fait, de communication scientifique pour la recherche en sciences humaines et sociales. C'est effectivement un bouleversement qui est très lié, qui est très technolié, hein, lié à l'apparition de cette plateforme web. Pour autant, la question que je voulais vous poser, c'est que on est encore au début, en 1999, et on va voir que les choses évoluent peut-être depuis quelques années, mais on est encore beaucoup, les scientifiques parlent aux scientifiques, et on n'est pas dans l'effort de vulgarisation que vous notiez tout à l'heure, Claire Lemercier, des revues à comité de lecture de Nature et Science. Même si on est, il faut avoir une petite curiosité scientifique, mais on peut avoir Nature et Science entre les mains, le feuilleter et s'y intéresser en tant que grand public ou dans une bibliothèque universitaire, par exemple. Oui, du coup, je pense que c'est pas un hasard si Archive, ça s'est passé en physique, alors que Open Edition, ça s'est passé en sciences humaines et sociales. Même si Cielo, qui ressemble plus à Open Edition et dans les sciences dites dures, mais les revues qui étaient autour de Marin et qui ont inauguré Open Edition à l'époque, ce sont des revues qui sont des revues d'histoire, notamment, qui sont écrites en langage naturel. Et donc, ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un qui n'est pas historien, historienne, le lit de la même façon qu'un historien ou une historienne, mais elles peuvent avoir un public plus large de façon peut-être plus évidente qu'une revue de physique des hautes énergies. Et ça peut peut-être expliquer, hein, sans en faire du tout un dogme, mais que ça soit venu plus naturellement de faire une archive ouverte d'un côté avec, comme vous l'évoquiez, un aspect un petit peu les papiers posés là, pas trop rangés, mais les experts s'y retrouvent, donc côté physique. Et alors que côté sciences humaines et sociales, on a cette double idée déjà qu'on ne parle pas forcément uniquement qu'aux collègues. Dans toutes nos revues, en fait, on essaye d'écrire aussi pour les non-spécialistes. Des fois, c'est un petit peu mythique, mais il y a cette idée-là. Et puis, deuxième idée, que les revues ont une ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'une revue, ce n'est pas juste une collection d'articles qui ont été labellisés par les pairs pour dire que c'est bien et qu'on peut faire carrière avec. C'est ça aussi, il ne faut pas se le cacher. Mais une revue, c'est aussi quelque chose qui a une ligne éditoriale qu'on aime retrouver de numéro en numéro, un petit peu comme une revue littéraire ou un magazine ou une collection de livres. Et donc, c'est intéressant. Ce qui est intéressant dans le projet Open Edition, mais comme un certain nombre d'autres, hein, comme Erudit et d'autres, c'est que c'est de l'édition électronique. On garde l'unité qui est la revue. Simplement, on la met sur le web et du coup, ça pose des questions nouvelles de modèle économique, évidemment. Il faut peut-être noter, Mara Dacos, qu'effectivement, il y a une différence de régime entre les SHS vis-à-vis de la dépendance aux revues à comité de lecture et les sciences dites dures. Alors, je me fais taper sur les doigts à chaque fois que je dis ça. Mais enfin, je vais corriger une erreur dans votre vocabulaire que vous avez commise deux fois dans les cinq dernières minutes. En fait, toutes les revues d'Open Edition sont à comité de lecture. Oui. Alors, ce que vous voulez dire... Vous avez raison de me reprendre. C'est très important. Les revues payantes à comité de lecture. Mais même en SHS, les revues sont payantes. Enfin, beaucoup de revues sont payantes. En fait, donc, vraiment, c'est important. Les revues sont évaluées par les pairs dans toutes les disciplines. J'insiste d'autant plus que j'ai entendu des chefs de la communication de grands organismes dire, vous, en SHS, vous n'avez pas d'évaluation par les pairs. Alors, je suis obligé de le préciser. Du coup, j'ai oublié votre question. Je vais utiliser le paradigme revue payante pour parler des revues anciennes, de l'ancien monde. C'est les revues de l'oligopole. Les revues de l'oligopole. C'est important de définir parce que il y a aussi des revues dont on va parler qui sont des revues open access et qui sont payantes d'une certaine manière ou en tout cas à un bout de la chaîne. Donc, en fait, en France, on a même des revues de maisons d'édition privées. Qui sont du coup payantes, mais qui font des toutes petites marges, en fait, où on n'est pas du tout dans l'idée d'exploitation délirante de l'argent public de la recherche qu'on a évoqué précédemment. On a un paquet de revues d'histoire, de sociologie, de sciences politiques, de littérature, qui sont publiées par des maisons d'édition privées et qui n'exploitent pas trop les chercheurs. Après, on aimerait, Marin et moi, qu'elles soient encore plus en open access, encore plus accessibles sans paiement à différents lectorats. Mais on est dans un monde différent parce qu'on n'intéresse pas, je pense, pour les SHS francophones, les grands oligopoles mondiaux de l'édition, tout simplement. C'était le sens de ma question, c'était de dire effectivement les sciences humaines et sociales étaient moins dépendantes de ces revues de l'oligopole les sciences dites dures. Alors, dans chez Elsevier et Springer, il y a des revues en SHS, il y en a, mais elles s'expriment rarement en français, elles s'expriment en général dans la lingua franca qui est l'anglais, et elles ne sont pas les plus rentables au titre du point de vue capitalistique, parce que les marchés qu'elles adressent sont plus pauvres, et les SHS sont plus pauvres partout, pas seulement en France. Et par conséquent, elles sont moins vendeuses. Et effectivement, c'est une très bonne remarque que vous faites, parce que ça nous a donné une grande liberté. Mais c'est la même chose pour Cielo. Cielo, c'est quand même la plus grande plateforme de revues en open access du monde. Pourquoi est-ce qu'elle peut naître au Brésil, qui est un grand pays de recherche, mais qui est un pays marginalisé quand même dans l'écosystème mondial? C'est justement parce que leurs revues n'ont pas été absorbées par l'oligopole. Et donc, ils ont la capacité de produire de bonnes revues. Par exemple, en Argentine, nous, on reçoit aujourd'hui à Open Edition des candidatures de revues argentines de toute beauté, avec un travail éditorial, de sélection, etc. incroyable. J'insiste beaucoup sur cette dimension que dans ce qu'on appelle le Sud, il y a une édition de grande qualité potentielle. Et évidemment, ces revues ne sont pas, elles sont pas intéressantes pour l'oligopole. Et donc, effectivement, ça nous a laissé de la marge de manœuvre. On n'était plus pas dans un paysage qui avait été stérilisé. Au contraire, il y avait un appétit de diffusion très fort de la part de revues qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, avaient en moyenne 300 abonnés. Les revues qui ont le plus d'abonnés en SHS en France, c'est 2000 ou 2500 abonnés, les revues de recherche. Hein. Et par conséquent, aucune n'est bénéficiaire, disons. Hein, elles coûtent de l'argent et elles arrivent à l'équilibre, c'est tout. Folk pour apaiser ce débat vif qui est le nôtre autour des revues scientifiques, des revues de l'oligopole d'une part, que nous avons décrit tout à l'heure, et des revues en open access d'autre part. Nous en parlons tout au long de cette heure en compagnie de Claire Lemercier, qui est directrice de recherche en histoire au CNRS et membre du conseil scientifique du CNRS, et Marin Dacos, directeur et fondateur d'Open Edition et conseiller pour la science ouverte au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On verra dans quelques minutes que c'est un sujet qui intéresse de très près l'actuel ministre de l'ESR. Mais avant cela, j'aimerais qu'on dise un mot effectivement de ces revues qu'on vient d'évoquer, qui ont pour ambition de donner accès, un accès beaucoup plus vaste, libre et gratuit aux publications scientifiques au plus grand nombre. Il y a deux voies, il y a la voie officielle, la voie je ne vais peut-être dire noble, mais en tout cas la voie légale qui est celle de l'open access. Et puis il y a une autre voie qui est une voie qui passe plus par les chemins de l'illégalité, qui est la voie de ce qu'on appelle les revues dites prédatrices, c'est-à-dire des portails illégaux de partage et au même titre que... Ah non, je ne parle pas du tout la même chose, je suis en train de dire des bêtises, Claire Mercier. Oui, non. Il y a deux choses. Les revues prédatrices qui profitent d'une version de l'open access pour prendre encore plus l'argent des contribuables. On en parlera un moment. Et puis les portails de partage illégal de contenu. Alors c'est de ça dont je voulais parler. Donc Sci-Hub. Sci-Hub qui a été créé en 2011 par une chercheuse kazakh en neurosciences qui travaille en Russie, Alexandra Elbakian. Voilà. Alors Sci-Hub, c'est la plus grande plateforme au monde contenant le plus d'articles. 99% de la production scientifique mondiale est dans Sci-Hub. C'est un site illégal, pirate, mais qui est un symptôme du manque d'accès. Parce que elle a donné accès à ses données de fréquentation à un journaliste de Science qui en a fait une cartographie. On voit toutes les ils ont animé la cartographie parce que ce sont des journalistes scientifiques, donc ils font de la médiation, ils le font très bien. On voit une extraordinaire usage à peu près partout sur le territoire mondial, y compris en Occident, dans les pays riches. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'accès, puisque il y a énormément de gens partout qui téléchargent illégalement sur Sci-Hub. Et donc là, on a une démonstration, je dirais, très négative, mais on a une démonstration quand même que le système ne marche pas bien. Alors, la question pour les politiques publiques et pour les chercheurs, c'est comment remettons le système sur ses pattes pour ne plus s'appuyer sur des situations et solutions illégales qui n'ont pas de vertu. Je voulais pas essayer de rentrer dans ce champ lexical, mais allons-y. Malgré tout, Sci-Hub qui se comporte effectivement exactement comme les sites de partage vidéo, audiovisuel, etc. C'est-à-dire que le site est condamné, il ferme, il réouvre. J'ai regardé la dernière version, c'est en .tw, donc il cherche le nom de domaine et ce sont des sites qui de facto sont quasiment impossibles à fermer. Mais par ailleurs, il y a d'autres systèmes que les chercheurs ont trouvés pour pouvoir avoir accès à des articles auxquels ils ne peuvent pas avoir accès parce qu'ils n'ont pas d'accès ou d'abonnement aux revues de l'oligopole, par exemple des hashtags sur Twitter qui permettent de partager les PDF, pour ne pas citer le hashtag en question, Claire Lemercier. Oui, mais là, on a des solutions pour les gens qui sont déjà dans le système, en fait, sont au courant, parce que sinon, il y a une solution encore plus simple, dont moi je me sers parfois, c'est que j'écris à des collègues qui ont un accès légal pour leur demander, est-ce que tu pourrais me télécharger cet article, et on est un peu dans la zone grise sur le fait qu'ils aient le droit de me le faire passer ou non. Mais là, on est parmi les insiders. Or, en fait, on a vraiment un besoin de communiquer avec les outsiders. Je pense qu'il est souvent méconnu parce qu'on s'imagine uniquement le cas extrême et qui peut arriver, où on vise un jeune garçon de 12 ans qui va avoir une idée géniale, une invention. Ok, ça peut arriver, c'est un peu folklorique. En revanche, il y a vraiment deux publics absolument cruciaux, de gens qui comprennent les articles, y compris de sciences dites dures, et qui sont largement exclus des revues de l'oligopole. On a déjà évoqué les universitaires des pays du Sud, assez largement. Mais j'ai envie de dire que pour un certain nombre de revues, la France est déjà un pays du Sud. Moi, je travaille à Sciences Po et au CNRS, deux des institutions les mieux dotées en France en bibliographie. Et il faut régulièrement que je demande de l'aide à des collègues en Angleterre et aux États-Unis. Donc le Sud est quand même assez grand. Mmh. Mais évidemment, en Afrique, c'est pire. Et puis l'autre public qu'on oublie souvent, c'est quand même en France, les professeurs de lycée, les professeurs de prépa, les élèves de prépa, qui peuvent quand même avoir besoin légitimement d'accéder à de la littérature scientifique pour leur travail, pour leur formation continue, et qui ne sont pas inclus dans les deals et qui ne vont pas se payer un article à $30, si ce n'est plus. J'ajoute votre population, les journalistes, j'allais le dire, et nous-mêmes, vous pouvez oser, parce que nous on travaille avec ces revues-là en base quotidienne pour programmer cette émission. Et puis d'une façon générale, toutes les organisations de petite taille, en fait, puisque le coût économique c'est une chose, mais il y a le coût de transaction, c'est-à-dire il faut avoir un centre de doc, un professionnel qui va prendre les abonnements, signer les contrats, etc. C'est ça l'obstacle principal, c'est le coût de transaction. Et donc du coup, vous avez toutes les petites organisations, qu'elles soient privées ou publiques, peu importe. Qu'elles soient des ONG, des organisations territoriales ou des PME qui n'ont un accès très difficile à la littérature scientifique. Et donc on produit. Alors il faut bien voir ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire on dépense plusieurs milliards d'euros pour payer des chercheurs pour produire de la connaissance, pour la beauté de la connaissance et aussi parce que ça peut servir. Voilà, mais global. La connaissance du monde, entre autres. Oui, absolument. Et on le rend à un public, à seulement deux publics en fait. Premier public, les établissements les plus riches. Et ils sont pas nombreux, Claire a raison de dire que le Sud s'étend, et je vais vous donner un exemple sur les États-Unis où le Sud est très très très très grand. Et puis, les grands groupes qui ont les moyens d'avoir des centres de doc, etc. Et puis au milieu, vous avez un énorme trou. Et donc se demande, ah oui, les chercheurs qui trouvent, on en cherche, des chercheurs, vous voyez, cette idée, mais à quoi servent les chercheurs? Et nous, on aimerait bien que notre production soit consultable par tous. Voilà. Alors juste un mot pour vous dire que Yale et Harvard sont deux des plus grandes universités les plus riches au monde. Il y a une des établissements, j'ai oublié lequel, qui a 100 000 abonnements et l'autre 75 000. Donc entre les deux, le numéro 1 et le numéro 2 global, en termes de moyens, il y a un écart de 25% d'accès à la littérature scientifique. Il y a un problème, vous ne trouvez pas ? Ce n'est pas à moi de le dire, mais effectivement, vous notez quelque chose qui semble relativement dysfonctionnel. Alors, on va, donc, je me suis un peu emmêlé les pinceaux tout à l'heure, mais on va parler de cet autre cas d'école qui est ce qu'on appelle les revues prédatrices. Bonjour Tom Mendelsohn. Bonjour Nicolas Martin, bonjour à tous. Vous êtes allé rencontrer un chercheur pour qui, justement, ces revues prédatrices sont finalement une sorte de juste retour de manivelle après des années d'oligopole. Oui, je suis allé voir Éric Filliol, directeur de recherche en sécurité informatique. Il a lui-même publié dans des revues dites prédatrices. C'est un terme qui pour lui n'est pas toujours approprié. En effet, il estime que ces plateformes peuvent permettre aux chercheurs et aux laboratoires moins cotés de diffuser leurs travaux sans entrave et de participer à la propagation des connaissances sans être discriminés par les grandes revues scientifiques. Et qu'est-ce que c'est exactement des revues prédatrices ? Le terme, si vous voulez, il a quand même été inventé par ceux qui se prétendent être les revues officielles. Je pense qu'elle est prédatrice dès lors qu'elle est susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'auteur, et par extension au lecteur. C'est-à-dire qu'effectivement, elle ne fait aucune sélection, et elle fait payer une somme qui des fois peut être quand même conséquente. Bon, alors là, si vous voulez, on peut objecter que c'est, comment ça s'appelle, une démarche, presque mafieuse. Et il y a des cas. Mais à la limite, je disais, pour le jeune qui veut publier, qui a besoin de soutenir sa thèse, bon, il a payé un peu, c'est malheureux, mais la revue est en open access. Maintenant, j'ai publié dans des revues qu'on aurait tendance à nommer prédatrices, j'ai rien payé. Il y a des fois, j'ai payé des sommes modiques, très modiques. C'est des papiers qui se trouvent être assez cités, assez repris, que beaucoup de gens ont lus. Et ça, déjà, c'est intéressant, parce que si vous voulez publier dans un truc et si personne me lit, ça peut être dans un truc prestigieux, moi, mon apport est nul. Voilà, et puis ils m'ont signalé des coquilles, et puis il y a eu ce débat. Et comment est-ce que la prise de contact s'est faite entre cette revue et vous, et pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu publier dans une revue classique ? En fait, soit donc on les contacte parce qu'il y a des listes, soit effectivement des fois on reçoit des mails de suggestions, effectivement, parce que, mais vous savez, on reçoit les mêmes de certaines revues. Donc effectivement, il y a plusieurs modèles. Des fois ils sollicitent, ils font du démarchage, voilà. Soit certaines m'ont attiré parce que j'en ai entendu parler. Effectivement, j'ai fait la démarche de soumettre à ces conférences. Mais est-ce qu'en tant que jeune chercheur, on prend pas le risque de voir ses travaux moins légitimes ou un peu dénigrés parce qu'on publie dans une revue considérée comme prédatrice ? Oui, le risque est vrai qu'un jeune préférera toujours, parce que son prof, ça sera pas valorisant pour son labo, parce que pour la soutenance, voilà. Mais effectivement, il est condamné à chercher ce genre de choses. Mais il est aussi condamné à être pratiquement jamais publié, parce qu'il n'est pas dans une équipe de renom, parce que c'est pareil, le critère d'acceptation, c'est cette équipe-là, ouais, il y a quelqu'un que je connais, je renvoie l'ascenseur. En fait, si vous voulez, c'est un peu une pétition de principe. On accepte un papier parce qu'on vient d'une équipe de renom, et on est une équipe de renom parce qu'on a des papiers acceptés. Et au bout d'un moment, et le contenu des papiers là-dedans. Mais vous êtes expert dans votre domaine, vous avez fait vos preuves. Quand on est profane, on ne connaît pas un domaine, comment est-ce qu'on fait la différence entre un travail éprouvé et relu et un travail qui n'aura pas été relu par des spécialistes ? Je dis pas qu'il n'y a pas des revues qui ne font pas leur travail, et il y en a, heureusement, c'est la majorité. Maintenant, encore une fois, il faut savoir que ces papiers vont être lus par des gens du domaine. Mais un bon papier, avant d'être un papier bien formaté et autre, c'est un papier reproductible, où les idées sont bien expliquées. Mais ça serait dommage de rejeter un papier sur des critères qui n'ont rien à voir à un accès à la connaissance et au jugement par les pairs. En gros, ce qui se passe actuellement sur des revues soi-disant prestigieuses, vous avez deux ou trois personnes qui vont décider pour les autres que ce papier est bon ou pas. L'open access, on va dire plutôt open access, permet à tous les gens du domaine, je dis bien du domaine, de se faire leur propre idée. Donc si on n'est pas sur Monsieur Tout-le-Monde, c'est pas un journal grand public. Donc les travaux en open access dont vous parlez, c'est des travaux en construction ? Ou des travaux des fois aboutis. Les temps d'acceptation, des fois vous avez des temps d'acceptation de plus d'une année. Quel sens ça a d'accepter un papier un an après, dans un domaine où la science évolue très vite ? En général, au bout de 3 mois, si le reviewer et le journal n'a pas été capable de répondre, de faire un review rapide et détaillé, moi je considère que c'est pas sérieux. Bon, effectivement, ils sont victimes de cet engorgement parce que tout le monde veut publier là. Il y aurait aucun risque à l'open access aujourd'hui? Quels sont les feux orange, les avertissements qu'il faut prendre en compte dans ce mouvement, dans cette tendance? Si vous voulez, on parle de plus en plus d'un monde collaboratif. L'intérêt, c'est de créer des conditions où les risques sont tout de suite identifiés. Moi, j'ai beau avoir des années de recherche, quand je publie un papier, ça veut dire que je le livre à des gens qui n'ont peut-être pas mon expérience, mais qui auront peut-être vu une chose que j'ai pas vue. Fatalement, si j'ai fait une erreur, elle sera tout de suite détectée. Est-ce qu'on peut forcément corriger des articles qui sont parus dans des revues prédatrices? Bah oui, il suffit de faire des commentaires et de publier un article. Bah tout simplement, les gens disent « Ah, je suis pas d'accord, tiens, je fais une note ». Et souvent, il y a des gens qui écrivent une note, commentaire sur l'article d'un tel. C'est ça le débat. Le système s'autocorrigera, parce qu'il y a justement cette vue multiple, cette vue croisée, et c'est ça qui fait la science. Moi, ce que je vois, c'est que ces revues, aussi gênantes soient-elles, elles ont des bons côtés, parce que finalement, moi, je peux avoir accès, parcourir, trouver des articles. Donc, si vous voulez, moi, il y a des auteurs que j'ai détectés, parce que j'ai pu avoir accès à leur article dans une revue soi-disant prédatrice. Est-ce qu'il y a des domaines scientifiques qui sont plus touchés que d'autres par les revues prédatrices? Oui, les domaines où il est très compliqué de publier. Donc la médecine, parce que vous avez des enjeux de pouvoir, d'argent. En médecine, vous savez, le moindre brevet est susceptible de rapporter des millions. Il y a le domaine de la sécurité informatique, pour les mêmes raisons. Et à l'opposé, justement, est-ce qu'il y a d'autres domaines scientifiques qui sont moins touchés par les revues prédatrices? J'aurais tendance peut-être à dire la philo, ou des domaines où, si vous voulez, où le temps de publication est plus long. Parce qu'il y a aussi cette frénésie, si vous voulez. Dans un domaine où une publication est très vite, vous savez être le premier à publier, prenez la médecine. Les connaissances évoluent tellement vite qu'une connaissance chasse une autre. Donc c'est vrai que c'est là où on observe qu'il y a une accélération de ce phénomène. Maintenant, dans des domaines scientifiques où le temps est plus long, en mathématiques pures, j'imagine en philosophie, je suis moins spécialiste du domaine, mais je pense que ces revues n'existent pratiquement pas, parce que justement, on a un temps plus long. Quels chercheurs sont les proies les plus faciles pour les revues prédatrices? Les jeunes. Les jeunes chercheurs, ou ceux venant de labos qui n'ont pas beaucoup de moyens. Quand vous êtes un labo prestigieux, vous êtes Harvard, et de toute façon, le simple fait de soumettre un papier au nom de Harvard, déjà, il est déjà quasi accepté. On le sait très bien, le fait d'être de certains pays, quand vous êtes, encore une fois, de pays dits en émergence, c'est tout simplement, il est très difficile de publier. Vous avez des tas de gens, de tas de pays, que vous auriez peu de chances de voir dans des grandes revues. Ouais, bon, on va tout simplement porter atteinte à cette grande connaissance globale et qui a besoin de s'enrichir de différences culturelles. Et si on peut les aider à faire aboutir la connaissance et à les porter à la connaissance du plus grand nombre, moi j'estime que j'aurais fait mon rôle de scientifique, c'est de contribuer à ce pot commun de la connaissance. Le reste, voilà, c'est de la politique. Voilà le reportage et l'entretien avec Éric Filliol, qui est directeur de recherche en sécurité informatique. J'aimerais votre réaction tous les deux à ce reportage, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été soulevées qui, effectivement, posent question. J'aimerais juste qu'on redéfinisse bien et qu'on soit bien clair sur ce qu'est, ce qu'on entend aujourd'hui par ces revues dites prédatrices. Marin Dacos. Alors, je ne sais pas si Claire sera d'accord, mais je pense qu'il y a une grosse confusion dans le propos. Oui. En fait, il parle des revues en accès ouvert. C'est pas ça dont on parle. Les revues prédatrices, ce sont des revues qui ne font, parce qu'il a dit, la revue me corrige des coquilles. Donc en fait, elle fait un travail éditorial. Donc c'est pas une revue prédatrice. Une revue prédatrice, c'est juste. Alors, j'ai besoin de 3 minutes pour bien expliquer. Bien sûr, allez-y, prenez alors, le temps. Dans le système ancien, oligopole par oligopole d'ailleurs, il y a un abonnement. Donc ça, c'est le modèle économique qui permet de faire fonctionner la partie éditoriale. Dans un monde où on dit, mais en fait, via le numérique, c'est quand même ballot de mettre en place des barrières d'accès parce que ça réduit beaucoup le potentiel de lectorat, c'est mieux que ça en accès ouvert. Ok, mais alors qui va payer? Alors nous, on le fait. Hein, le CNRS a toujours soutenu des revues, continue à les soutenir. En fait, on paye les frais comme ça. Mais il y a d'autres éditeurs qui disent, ah ben, puisqu'on peut plus faire payer le lecteur, on va faire payer l'auteur. C'est ce qu'on appelle les frais de publication. Ok. Du coup, il y a des petits malins qui se sont dit, ah, là, il y a du business à se faire, puisqu'effectivement, le système est engorgé. On peut créer des fausses revues. Pour moi, ce sont des fausses revues. C'est-à-dire, il y en a une revue internationale d'oncologie pratique, hein, j'invente, et on change, ça c'est la revue officielle, et on change en disant revue internationale et mondiale d'oncologie pratique. Et c'est une fausse revue. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on attire des gogos en leur disant, en fait, vous pouvez publier en 3 jours chez moi, en échange de 500 ou 1 000 euros de frais de publication. Et ça, c'est une revue prédatrice parce qu'elle ne fait aucun travail de labellisation, de correction, d'évaluation, etc. Donc ça. Ce dont il a été partiellement question dans le reportage malgré tout. Hein, oui. Sur la rapidité de publication, puis, d'avoir accès finalement à publier vite. Oui, mais. Pour des chercheurs qui ne sont pas dans un institut reconnu. Ouais. Mais, et ça, je pense qu'il y aura plein de choses à dire sur ça. Mais ensuite, on a à côté tout un tas de revues et des milliers de revues. Il y en a 10 000. Qui sont estampillés comme étant conformes aux bonnes pratiques dans le répertoire de référence qui s'appelle le DOAJ, le Directory of Open Access Journals, qui sont des revues à évaluation, à comité de lecture, et dont la diffusion est en accès ouvert, dont le modèle économique est, dans un certain nombre de cas, des frais de publication, dans d'autres cas, d'autres modèles économiques. Et ça, c'est pas du tout des revues prédatrices, et c'est bien qu'on puisse se poser la question, parce que là, cette confusion, il faut que je la lève. Il y avait un peu cette confusion dans les articles qui sont sortis cet été dans la presse, à ce sujet, en faisant un peu la confusion entre les deux. Et vous avez, dans une revue en accès ouvert, de qualité sérieuse, les vertus de la diffusion rapide, mais pas le problème du fait qu'on dépose dans un sac qui va disparaître d'ailleurs, hein, parce que les revues prédatrices, dans 15 jours, elles seront plus en ligne. Elles ont une durée de vie très courte. Voilà. Donc il faut bien séparer du coup trois types de revues, les revues anciennes, les revues en accès ouvert et les revues prédatrices qui sont mineures en termes de nombre. Les évaluations faites par le consortium Couperin en France, c'est que c'est moins de 1% de la production française qui va dans ces revues. C'est encore trop. Enfin, ça reste un objet mineur statistiquement et donc il ne faut pas qu'on lui accorde une trop grande place. Claire Lemercier pour compléter. Oui, je pense que la définition vraiment la plus simple de la revue prédatrice, c'est celle qui fait payer l'auteur pour mettre un nom de revue sur son article, mais qui est un faux nom de revue qui ne va duper personne en fait dans la plupart des situations. Donc c'est là où l'auteur se fait vraiment avoir et c'est pour ça que Clolec disait très justement, ça touche des auteurs très jeunes dans des pays émergents dans la science qui espèrent que les gens qui vont les juger dans leur pays émergent ne soient pas au courant, ce qui est probablement pas toujours le cas en fait. Donc ça doit pas très bien marcher. En revanche, moi je suis frappée par le fait que le collègue voudrait faire l'idéal qu'il promeut, en fait, c'est l'idéal des archives ouvertes. Il y a un outil pour ça. Donc, par exemple, HAL en France, qui est la grosse structure financée par le CNRS, mais il y en a d'autres, y compris en France. Archive, qu'on évoquait, c'est une archive ouverte. Et donc, ça permet de faire ce que disait le collègue, qui est effectivement tout à fait intéressant et légitime, mais qui n'est pas faire une revue. C'est mettre à disposition très rapidement, sans relecture préalable par les pairs et sans mise en page, une version provisoire, un work in progress, en se disant, je le mets sur le web à un endroit où les pairs vont le voir. Et c'est les gens qui vont être intéressés qui vont m'écrire. Et puis à un moment, je vais l'améliorer, ce papier. Et donc ça, j'ai envie de dire, c'est super. Après, deux positions. Soit je suis en poste. Moi, je suis directrice de recherche au CNRS. Je peux faire ça à l'infini. C'est-à-dire laisser les gens m'écrire, améliorer le papier et ne jamais le publier dans une revue si ça me chante. Parce que je suis dans une position qui le permet. En revanche, si je suis une jeune postdoctorante précaire, ce papier, après sa phase d'existence dans les archives ouvertes et de commentaires libres, je vais avoir besoin qu'il soit labellisé par une revue reconnue par mes pairs pour être recruté. Ce qui me paraît pas extrêmement choquant, en fait, hein, parce que c'est pas forcément un critère génial de recrutement. Comme le collègue l'a dit, des fois l'évaluation par les pairs, elle marche mal. Mais pour moi, ça reste le plus mauvais critère, à l'exception de tous les autres. On n'a pas encore trouvé vraiment autre chose. Il nous reste quelques minutes et on a pourtant encore beaucoup de choses à se dire, donc on va essayer de condenser un peu. Non, j'aimerais qu'on parle notamment du plan S, parce que c'est un peu pour ce plan S qu'on a voulu faire cette émission, qui 11 agences de financement et de recherche européens ont lancé ce fameux plan S. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot, nous dire ce que c'est, parce que il y a une tribune qui a été publiée dans Le Monde, des chercheurs qui sont relativement opposés. Or, ce que disent plan S et que ce que disent les agences de financement, c'est de dire l'ANR et l'ENR notamment, l'ERC, voilà, merci. Ça, c'est ma dyslexie naturelle. Non, mais parce que l'acronyme en français, c'est un autre qu'on ne connaît pas. Donc, l'Agence nationale de la recherche au niveau français et au niveau européen, disons, qui disent que, en substance, et je vais vous laisser préciser ça, que tout projet de recherche qui aura été financé doit être publié sur une plateforme en open access, sous peine de... Je ne sais pas d'ailleurs de... Voilà, c'est simple, c'est une obligation qui dit nous sommes des acteurs publics, nous voulons que l'argent public finance de la recherche publique qui est accessible à tous les publics. Par conséquent, tout ce que vous produirez grâce à notre argent, nous souhaitons fortement, puisque c'est une obligation, qu'il soit diffusé en accès ouvert. Et il y a deux façons de le faire, le diffuser dans une revue qui serait en accès ouvert ou dans une archive ouverte. Vous avez dit dans une plateforme en accès ouvert, donc ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Et donc il y a bien une obligation qui est mise en place par ces agences, ce qui se comprend, hein, c'est une optimisation de l'utilisation des données publiques. Et alors, quel est le problème? Pourquoi est-ce que, pourquoi cette tribune du Monde où les chercheurs sont assez critiques envers cette initiative qui doit commencer tout de suite en 2020? C'est l'un des sujets de la grogne, Claire Lemercier. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, les chercheurs n'aiment pas qu'on leur dise qu'il y a une obligation de quelque chose, à tort ou à raison, et donc c'est toujours très désagréable. Surtout qu'on sait en fait qu'il y aura assez peu de moyens de sanction. Bon, ça c'est un détail. Ensuite, le texte n'est pas forcément très bien rédigé, mais c'est un texte de compromis hein, entre des gens de beaucoup de pays, de beaucoup d'agences, etc. Et ce que dit la pétition du Monde, qui n'est pas entièrement vrai, mais on peut le lire comme ça, c'est que finalement c'est un texte qui privilégie la voie de l'auteur-payeur, hein, ce qu'on évoquait juste avant, c'est-à-dire l'idée que pour que les articles soient en open access, il faut faire payer les auteurs à l'article plutôt que les lecteurs. Or cette voie de l'auteur-payeur, elle a été précisément beaucoup investie par les oligopoles. Alors qu'au contraire, les sociétés savantes, donc les associations de mathématiciens, de physiciens, de chimistes, puisque c'est notamment des chimistes qui sont à l'origine de cette pétition, etc., sont restées plus attachées au modèle de l'abonnement, d'ailleurs souvent en gardant aussi une version papier. Pour tout un tas de raisons, pour elles, c'est plus simple de faire des abonnements que de l'auteur-payeur, et aussi, par principe, elles préfèrent. Et donc, si on lit vite le plan S, on a l'impression que c'est tout pour l'auteur-payeur, contre les abonnements, et donc, paradoxalement, vu ses intentions d'origine, plutôt pro-oligopole et anti-société savante. Après, je suis d'accord avec Marin, si on le lit à tête reposée et qu'on lit vraiment tout bien ce qui est écrit, on peut l'utiliser pour promouvoir plein de voies alternatives, notamment l'usage d'archives ouvertes en complément de la publication dans toutes les revues que vous voulez, y compris celles des sociétés savantes. Et donc, je ne pense pas, en le relisant bien de près, que ça menace les sociétés savantes comme les collègues ont pu l'écrire. Maintenant, je comprends leur réaction, et puis je me réjouis quelque part de la volonté des collègues de repromouvoir les revues sous le contrôle de sociétés savantes. En fait, c'est écrit à la fin du plan S, c'est rigolo, il y a aussi écrit « il faut remettre le contrôle des chercheurs sur le processus ». Donc en tout cas, si tout le monde est d'accord là-dessus, ça me réjouit. Voilà, c'est ça. En fait, effectivement, il faut comprendre, c'est un texte qui a été écrit par 12 pays, et donc évidemment, il est. Alors, le produit que ça donne un est pas un produit consensuel. Voilà. Et qu'effectivement, il y a un certain nombre d'inquiétudes légitimes de la communauté scientifique sur un modèle économique qui semble vouloir s'imposer. J'ai bien dit vouloir, pas de devoir, qui est le modèle des frais de publication que j'ai déjà évoqué, que Claire a qualifié de modèle auteur-payeur. C'est un problème un modèle qui pose beaucoup de problèmes. Alors, c'est pas simplement qu'il serait aux mains de l'oligopole, ça c'est une chose. Mais regardez bien ce que c'était l'édition historiquement. Historiquement, l'éditeur crée une marque. Sa marque, c'est de dire, moi j'ai fait une sélection, j'ai fait un travail de qualité, j'ai créé de la rareté. Donc, je gagne mon argent parce que j'ai trié, j'ai fait du tri, j'ai séparé le bon grain de livret. Dans un monde où l'économie de l'édition serait financée par les auteurs, plus je publie, plus je gagne. Donc je ne serai plus de rareté, je crée de l'abondance. Alors là, à quoi sert l'éditeur? Donc là, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est quel est ce monde dans lequel il faut avoir de l'argent pour pouvoir publier? C'est un problème énorme, parce que ça veut dire que les équipes pauvres versus les équipes riches vont être dans des situations très différentes, et ajouter aussi les rapports de pouvoir à l'intérieur des équipes riches. C'est quand même pas anodin. Ça veut dire que moi, petit doctorant, je dois encore plus demander de l'argent à un grand chef, un mandarin, on appelle ça un mandarin. Enfin, il y a un certain nombre de problèmes et ils sont notamment économiques parce que ça pourrait exploser en termes de coûts. Mais d'abord, c'est que ça dénature la fonction éditoriale. Donc on peut vraiment s'interroger sur ce modèle de frais de publication. C'est de ce point de vue-là que la tribune est intéressante, sauf qu'elle n'a pas bien lu le plan S. Bon, le plan S ménage plus de modèles que ça. Ce sera malheureusement le mot de la fin. C'est un sujet vaste et c'est un sujet sur lequel on va revenir parce que il y a toute la partie nationale et notamment l'implication de la France dans ces problématiques de science ouverte que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer, mais ça donnera lieu à une autre émission. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus. Merci Claire Lemercier, merci Marin Dacos, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Alice Seyed aujourd'hui à la technique. Un petit mot pour vous dire que demain ce sera la diffusion du forum Les Idées Claires qui a été enregistré samedi dernier dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à propos de la désinformation scientifique. Nous nous demanderons à quand peut-on faire remonter cette ère du doute qui est la nôtre aujourd'hui. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.